silence et parfois seul face à mes danses. Je gère, j'avance dans un sens ou en arrière, à gauche, à droite, simple raison délicate. Au fil des sentiments, le rasoir au bord du vide, la corde s'est pendue à mon drame. Mais je n'y vois qu'un sous-entendu désert. L'échec de ta sourire est sournois, cinglant. Il te rappelle ce qu'est être. Tu es grouille autour de toi, les chercheurs d'espoir. Emmène-les loin des sens et des choix. Bien entendu, sans des yeux ce que tu touches. Il est l'heure de sonner la décharge, avoir un ultime coup de grâce. Le compte à rebours est arrêté, nous étions prêts à exploser. Mais si de ta couleur, mais si de ta rancœur. Allez, mange-moi dans la main, mange ce qui me reste de bonheur. Tu pourras toujours me la sauver, juste essayer. J'en ai bien peur. Rouge et chaud, dansons autour des eaux et renversons-les sur la dernière brève. Les rêves se sont jetés des falaises de l'oubli, à moitié mort, sans pitié, achevons-les. Les parfums s'évaporent dans une danse qui sent la sueur. Je erre pour la